Vous écoutez France Culture. Le Salon Noir. Ils sont totalement inconnus en France, si ce n'est par quelques collectionneurs d'art avisés, amateurs de statuaires précolombiennes. Seules quelques traditions anciennes nous signalent leur penchant indigne, leurs mœurs sexuelles dissolues leur goût immodéré de l'alcool. Voisins de la très puissante civilisation aztèque, les Huastecs sont désormais totalement tombés au plus profond de l'oubli. Toutefois, aujourd'hui, ils ressurgissent au travers des recherches de Grégory Pereira. Bonjour. Bonjour. C'est désormais l'archéologie qui exhume sur le terrain le lointain passé de cette culture. Archéologue chargé de recherche au CNRS, directeur de l'UMR Archéologie des Amériques, vous venez de soutenir votre habilitation à diriger des recherches, l'HDR, qui remplace dorénavant le doctorat d'État, votre thème, les pratiques funéraires de cette société Huastec. Grégory Pereira, il nous faudra partir aux environs de la Sierra Madre, dans l'état de Veracruz, pour découvrir cette culture très originale. Oui, si je me permets, je suis obligé de faire une petite mise au point parce que vous semblez m'attribuer tout le mérite de faire redécouvrir la Huasteca au public en général, mais en réalité, il faut savoir que c'est une région sur laquelle plusieurs archéologues ont travaillé depuis les années 30. Et un archéologue français. Et en particulier un archéologue français, Guy Stré-Serpéan, grand spécialiste de la Huasteca, grâce à qui j'ai eu la possibilité de travailler sur des collections de cette région. En réalité, je n'y ai pas fouillé personnellement. Et qui a fouillé, lui, beaucoup de sites. Alors oui, nécropoles, villes. Plusieurs grands sites majeurs, dont Tamtoc, Vista Hermosa, San Antonio Nogalar, dont on reparlera. Alors justement, la Sierra Madre, ça se trouve où exactement? Alors, à vrai dire, la Sierra Madre est divisée en deux, la Sierra Madre occidentale et orientale. Là, on se trouve sur le versant et au piémont de la Sierra Madre, hein, dans la zone, dans la plaine côtière, qui débouche sur le golfe du Mexique. Alors, on peut penser que si les Aztèques sont mexicains, les Huastecs le sont aussi. Alors oui, tout à fait. Donc, vous parliez du Veracruz. En réalité, la Huasteca est une région qui se trouve dans le nord de la côte du Golfe, à cheval entre plusieurs États, dont le Veracruz, le Tamaulipas et le San Luis Potosi. Et effectivement, nous sommes au Mexique et surtout en Mésoamérique, hein, l'aire culturelle définie par Paul Kirchhoff, qui regroupe toute une série de cultures ayant des points communs. Alors justement, Grégory Pereira, disons-le tout de suite, ces Huastecs sont des contemporains forcément des Aztèques, mais aussi des Mayas. Oui, tout à fait. On les connaît surtout grâce à leur manifestation, leur dernière manifestation au départ. Hein, la plupart des sculptures, des objets que l'on connaît et qu'on peut admirer dans les musées sont datés de la dernière période, le post-classique récent et donc contemporaine des Aztèques. Mais on sait maintenant que, grâce à l'archéologie et depuis plusieurs années, que les Huastecs habitaient cette région depuis au moins 2000 voire 3000 ans. Voilà. En tout cas, vous me parlez de post-classique, ce sont des périodes anciennes pour nous, mais récentes, on est quoi, vers le 14e, 15e siècle? Voilà, c'est ça. À la veille de la conquête espagnole. Et que sait-on exactement sur l'origine de ces Huastecs? Est-ce que l'on n'aurait pas, par exemple, quelques mythes d'origine? On en a souvent pour expliquer la naissance des sociétés. Alors, oui, il y a quelques mythes. Malheureusement, ils n'émanent pas directement des anciens Huastecs, puisque les chroniqueurs n'ont pas retranscrit de mythes provenant directement d'eux, mais les gens du haut plateau, les Aztèques en particulier, ont formulé différents mythes dans lesquels ils mettent en scène les Ouastèques, en particulier un mythe qui ferait trouver l'origine des différents peuples de Mésoamérique dans l'océan Atlantique, ceci se serait installés au gré d'une migration plus ou moins longue dans leur région actuelle, entre guillemets. Et les Ouastèques se seraient illustrés par un comportement réprouvé. En particulier, ils auraient trop bu à l'occasion d'une grande fête et leur roi aurait exhibé ses parties génitales. Et à partir de là, ils auraient été punis et condamnés à rester où ils sont maintenant. Et les rares témoignages que nous possédons proviennent, vous le disiez, des Aztèques, justement parce que l'histoire des Ouastèques se termine assez rapidement par la domination de cette grande civilisation aztèque. Alors, pas tout à fait. En réalité, seul le sud de la Ouasteca a été conquise à la fin du XVe siècle par les Aztèques, mais une grande partie était indépendante à l'arrivée des Espagnols. Donc on a une domination partielle de la part des Aztèques avec un système de tribus qui fait que les Ouastèques devaient envoyer des tribus à Mexico. Mais par ailleurs, on sait qu'à travers une série de divinités, de représentations et de symboles, que la culture Ouastèque a fortement influencé le Mexique central aussi. Les Aztèques, c'est bien sûr l'empire totalement dominant de cette région. Oui, assez largement, en tout cas dans la partie centrale et orientale de la Mésoamérique, pas dans la partie occidentale qui est restée indépendante et où on trouve le royaume des Tarasques. On a par exemple, puisque nous Français, on connaît bien sûr que les Mayas et les Aztèques, mais on a un nombre comme ça de petits peuples totalement méconnus comme les Ouastèques. Alors il y en a, je ne dirais pas une infinité. Malheureusement, le grand public connaît deux grandes civilisations, mais ce sont loin d'être les seules, les Aztèques et les Mayas. Mais la Mésoamérique est une région dans laquelle il y a eu des florissements de différentes cultures tout au long de son histoire. Et ce serait très réducteur de parler uniquement des Aztèques et des Mayas pour parler de la Mésoamérique. Les Mexicas, c'est par exemple un peuple ? Alors, les Mexicas, c'est le vrai nom des Aztèques. Les spécialistes des Aztèques réfutent le nom d'Aztèques et disent qu'il faut parler des Mexicas, qui sont le nom des habitants de Mexico, ceux qui ont dominé réellement tout l'empire qu'on leur connaît. En tout cas, chez les Ouastèques, la nudité et la virilité semblent l'apanage des hommes. Apparemment, oui. En tout cas, on a des représentations des femmes assez fréquentes dans l'art ouastèque, donc des expressions directement issues de cette culture-là, où la femme est représentée torse nu, donc les seins visibles, mais c'est la partie inférieure couverte par une jupe, ce qui n'est pas une pratique extraordinaire dans les basses-terres, puisque là, on se trouve au niveau des basses-terres de la côte du Golfe, une région chaude et humide. Les hommes, en revanche, montrent dans le domaine des représentations, toujours, plusieurs figurations de personnages nus, où on voit exactement, effectivement, les diverses parties du corps, et qui n'ont pour ornement que des tatouages qui recouvrent une grande partie de leur corps. Ceci dit, on sait par ailleurs que les Ouastèques quotidiennement avaient un vêtement certes plus léger que celui des peuples des hauts plateaux, mais étaient vêtus d'un pagne et les femmes étaient également vêtues d'une jupe. Ce qui fait que certains auteurs pensent que cette représentation de la nudité est liée au rituel et également aux divinités. Grégory Pereira, la virilité, elle peut être aussi mythique. Et bien sûr, je pense au travers du seigneur à miroir fumant, qui entraîna justement la chute d'un empire. Alors oui, tout à fait. Ça, c'est un des autres grands mythes. C'est un grand mythe qui met en scène les Ouastèques. et qui se passe donc un peu avant l'époque aztèque, à l'époque des Toltecs, qui est l'empire qui précède les Aztèques dans le Mexique central. La chute de cet empire serait liée à une série de discordes, dont le point de départ serait le fait que la fille du roi, hein, la princesse du roi Huemac, roi des Toltecs, aurait vu au marché de Tula, la cité des Toltecs, un magnifique Huastec totalement nu, et à la vue de son, disons, de ses attributs masculins, serait follement tombé amoureux de lui, et si bien que son père n'aurait pas eu d'autre choix que de les marier, ce qui aurait entraîné évidemment la discorde parmi la noblesse toltèque et le début de la fin. Alors, vous parliez du miroir fumant. En réalité, le seigneur au miroir fumant, Tezcatlipoca, en réalité, c'est une divinité qui aurait entraîné la discorde, apporté la discorde chez les Toltecs et entraîné leur fin. Et c'est lui, c'est un avatar de Tezcatlipoca qui aurait été ce Huastec. Alors, on a quelques mythes, on vient de les décrire, pour les Huastecs. On a quelques commentaires aussi aztèques, commentaires un peu désobligeants. Est-ce que l'on a ces fameux codex, ces fameux textes qui nous sont parvenus jusqu'à nous ? Alors, pour les Huastecs, c'est la grande difficulté de la connaissance de cette civilisation, c'est qu'on ne dispose pas de manuscrits comme on les a pour les Mayas ou les Aztèques ou les Mixtecs, d'autres civilisations du Mexique ancien. Et par ailleurs, donc toutes les sources dont on dispose, écrites, viennent de l'extérieur. Et ce ne sont pas des sources directes. D'où le problème de la valeur réelle de ces sources, jusqu'à quel point elles sont fidèles, est-ce qu'il y a de la manipulation, etc. Enfin, c'est un problème que les historiens connaissent bien, et les archéologues aussi. Donc il faut fouiller, il faut découvrir des vestiges, il faut découvrir des textes. Hein. Oui, c'est peut-être la solution. Tout à fait. Alors les textes, il y a peu de chances d'en retrouver dans le contexte chaud et humide de la Huasteca. En revanche, des sites, il y en a des dizaines. C'est une société qui a eu une manifestation de sa culture matérielle tout à fait remarquable, avec énormément de représentations et une culture matérielle aussi tout à fait remarquable. Alors, que sait-on sur les origines de cette culture ? Par exemple, est-ce qu'elle pourrait venir comme les Aztèques, et on le dit souvent, je ne sais pas si c'est vrai, des grandes plaines américaines ? Alors, les Huastecs, certainement pas, puisque en réalité, le terme Huastec est un terme aztèque, excusez-moi, c'est un peu compliqué, qui désigne les gens de cette région. En réalité, actuellement, la langue des Huastecs, c'est le Ténèque. C'est comme ça qu'ils la nomment eux-mêmes. Et c'est une langue apparentée au Maya. Les Huastecs seraient séparés du groupe linguistique Maya il y a plus de 2000 ans et auraient évolué de manière indépendante. Mais probablement, leur origine se trouve plutôt dans le sud du Mexique, plutôt que vers le nord. Et les Aztèques remontaient, eux, assez haut ? Alors, les Aztèques seraient issus d'une série de migrations qui ont été... ce ne sont pas les seuls, d'ailleurs, il y a plusieurs peuples du Mexique central, des Hautes-Terres en particulier, qui seraient issus de migrations venues du nord. On ne va pas aussi loin au nord que dans les grandes plaines d'Amérique du Nord, mais aux confins septentrionaux du Mexique, probablement, et ils sont apparentés à des groupes qui vont au-delà de la frontière entre le Mexique et et les États-Unis. Grégory Pereira, le Mexique, la Mésoamérique a vu bien sûr l'émergence de brillantes sociétés. Que sait-on sur celle des Huastecs ? C'est une société hiérarchisée, par exemple ? Alors, ce qu'on sait, donc ce sont surtout les recherches archéologiques, mais on dispose de quelques chroniques qui nous disent que c'est une société, certes, hiérarchisée, dans lesquelles on avait trois ordres sociaux relativement marqués, une noblesse qui donc détenait le pouvoir, comme souvent, une population libre, mais donc de gens du commun, hein, les Macehuales, comme on les appelle dans le Mexique central, et puis des esclaves. Avec des possibles ascenseurs sociaux, entre guillemets, entre les gens du commun et la noblesse, grâce aux prouesses guerrières en particulier. En tout cas, les Huastecs, c'est surtout un art très original. Oui, tout à fait. Je crois que c'est un des traits les plus marquants. Un des traits les plus marquants, sans doute une des statuaires les plus remarquables de Mésoamérique, hein, et qui gagne à être connue. On a des objets en particulier. Il y a une des plus belles pièces du pavillon des sessions du Louvre, qui est une pièce Huastec, qui représente un personnage en vue frontale portant en quelque sorte dans son dos une image de la mort, qui est un thème récurrent chez les Huastecs, et également un grand art céramique et de travail du coquillage. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle, Grégory Pereira, que vous êtes directeur de l'UMR Archéologie des Amériques, chargé de recherche au CNRS, et que vous venez de soutenir votre habilitation à diriger des recherches sur les pratiques funéraires des Huastecs, voisins des Aztèques. D'ailleurs, pourquoi entre Huastecs et Aztèques, les noms sont-ils si proches? Peut-être se dénommaient-ils pas ainsi, d'ailleurs. C'est nous. Alors, je crois que la confusion, enfin, en fait, tient au fait que nous ne sommes pas habitués par des noms nahuatl, hein, puisque tout ça, ce sont des noms qui viennent de la langue nahuatl qui était parlée par les Aztèques. En réalité, ce sont deux noms totalement différents. Hein. Aztecatl, ça veut dire les gens d'Aztlan. Hein. Tecatl, c'est la désignation du peuple. Et les Cuextecatl, c'est une autre désignation qui désigne les gens de la côte du Golfe, du nord de la côte du Golfe. Donc, pour les utilisateurs de ces langues-là, il n'y avait pas de confusion du tout. À la croisée de l'anthropologie biologique et de l'archéologie, vous travaillez sur les pratiques funéraires des Huastecs. Un site majeur, Vista Hermosa? Oui, c'est un grand site qui a été fouillé dans les années 60 par Guy Stresserpéan et Claude Stresserpéan, et Alain Hichon également, qui présente un intérêt tout particulier pour moi, c'est qu'il a livré une grande quantité de sépultures. C'est le site le plus important dans ce domaine-là, qui toutes ont cependant été trouvées dans des unités d'habitation. Donc on est sur une ville ? Alors, la notion de ville est une notion difficile à utiliser en Mésoamérique, surtout dans les cultures des basses terres, même chez les Mayas, puisqu'on a affaire à des tissus très, très lâches. On dirait que c'est un site qui se caractérise par un centre cérémoniel et un ensemble d'habitats associés qui est relativement vaste. Alors, gros village ou ville, après, je laisse les spécialistes de l'urbain débattre sur la question. En tout cas, ce que l'on voit en ouvrant les tombes, sur les corps, ce sont de très spectaculaires modifications corporelles artificielles. Alors oui, ça c'est un des traits tout à fait caractéristiques des Huastecs et que les chroniqueurs et leurs voisins du Mexique central n'ont pas manqué de remarquer. Ce sont des gens qui pratiquent des modifications corporelles très marquées, en particulier la déformation crânienne qui atteint des niveaux tout à fait extrêmes. Le but c'est d'avoir un crâne en poire, un peu comme alors, chez les Huns en Europe. C'est plutôt de ne pas avoir de nuque, hein, d'avoir le crâne pointu vers le haut. Pointu vers le haut. Voilà, d'accord. Exactement. Hein, c'est la déformation tabulaire droite, front-occipitale. Mais j'arrête. Et par ailleurs, c'était des gens qui avaient pour habitude, comme d'autres peuples mésoaméricains, en réalité, c'est pas le fait de se déformer, de se limer les dents, c'est pas une spécificité Huastèque, mais c'est la façon de le faire qui est tout à fait caractéristique. Les Huastèques. On se lime les dents. Alors oui, les Huastecs avaient pour habitude de se limer les dents en pointe, et en particulier une des sépultures que j'ai eu l'occasion d'étudier montre montre l'ensemble de la dentition avec des limages qui font un sourire, qui faisaient un sourire dont Dracula aurait été jaloux. En tout cas, ces modifications font écho à l'iconographie et aux chroniques du XVIe siècle. Tout le monde les figure, tout le monde en parle. Tout à fait. C'est un vrai trait culturel. C'est un vrai trait culturel. Alors ça, c'est ce qu'on voit sur le squelette. Mais il faut ajouter à cela deux autres types de modifications. Les perforations au niveau des lobes des oreilles et du nez, qui ne sont pas spécifiques des Aztèques, des Ouastèques, mais eux avaient été reconnus pour avoir d'énormes perforations nasales dans lesquelles ils inséraient des tubes, des ornements, et par ailleurs le tatouage qui était extrêmement développé. Et qui a bien sûr disparu, et qui a disparu malheureusement. Que l'on retrouve peut-être sur la statuaire. Tout à fait. En tout cas, dans les sépultures les plus banales figurent quelques vases, quelques dindons, un animal typiquement américain. On s'intéressera donc bien sûr aux tombes les plus curieuses, notamment les fameuses sépultures multiples. Deux, trois, quatre individus. Oui, alors dans une des plateformes qui a été fouillée à Vista Hermosa, une plateforme qui correspond visiblement à des gens sans doute liés à la noblesse, on a pu détecter un certain nombre de pratiques tout à fait hors du commun. Et il y a un personnage en particulier, un jeune homme, qui a été inhumé dans une fosse, accompagné de deux autres individus féminins, et flanqué de deux autres dépôts qui visiblement étaient mis en place en même temps. Donc on aurait affaire à ce qu'on appelle une sépulture multiple, c'est-à-dire la mise en place dans le cadre d'un même rituel de plusieurs individus dont on peut douter de la mort simultanée, naturellement. Et ils sont morts ensemble ? Alors, ils ont été enterrés ensemble. Est-ce qu'ils sont morts ensemble ? C'est une autre question. Il y a plusieurs hypothèses, évidemment. Il y a toujours l'hypothèse d'un accident qui aurait entraîné la mort de ces personnes-là. Mais dans ce cas-là, on est un petit peu gêné parce qu'on a réellement une mise en scène du dépôt qui dirige vers d'autres interprétations. Alors, certains proches semblent accompagner le personnage important dans la tombe. Par exemple, l'épouse, les serviteurs ou esclaves, ce genre de cas arrive chez les Ouastèques ? Alors, on ne dispose d'aucune source écrite qui le mentionne, mais l'archéologie fournit quelques exemples, dont celui-ci qui est sans doute le plus remarquable. On a un autre exemple dans la Huasteca d'inhumation simultanée de deux individus, dont un individu placé sur le dessus, sur le corps d'autres individus, et qui est très richement paré et dont la parure permet de les identifier comme des membres de l'élite. Par ailleurs, donc, ce n'est que par l'archéologie que l'on peut aborder cette question-là pour la Huasteca. En revanche, pour d'autres régions de la Mésoamérique, on a des exemples bien documentés par les sources. Est-ce que l'on serait sur ces fameuses sépultures d'accompagnement qui ont été décrites il y a quelques années par Alain Testard ? C'est très probable. Je pense que ce cas-là est tout à fait comparable à ce que décrit Alain Testard dans d'autres sociétés, dont d'autres sociétés mésoaméricaines. Alors, le problème étant qu'en Mésoamérique, on a deux pratiques de mise à mort rituelle, le sacrifice et la mort d'accompagnement. Donc là, on ne serait pas sur un sacrifice. Ce serait juste des gens qui accompagnent un individu plus important. C'est probable, puisqu'ils sont eux-mêmes accompagnés d'ustensiles. Et on peut imaginer, comme ce que l'on sait dans les sources qui portent sur les Aztèques et les Tarasques, que ce sont des gens qui allaient servir ce personnage dans l'au-delà. Justement, les sépultures d'accompagnement les plus spectaculaires sont justement chez les Tarasques, chez les Mexicains. Oui, on dispose chez les Tarasques d'une description très détaillée justement de cette pratique. À l'occasion de la mort du roi, on mettait à mort de façon bien différente que celle qui était utilisée par le sacrifice, de toute sa suite, de tous ses serviteurs, lesquels étaient inhumés ensuite avec tous leurs ustensiles. Et on a une description très détaillée de l'ensemble des fonctions de ces personnes. Et donc, on a une illustration tout à fait significative. C'est la fameuse relation du Michoacán qui retrace un peu toutes ces... Tous ces événements ? Oui, tout à fait. C'est la relation de Michoacán. C'est l'élément clé pour vous ? C'est le texte clé Alors, pour l'archéologue et l'historien ? Alors, c'est un texte fondateur pour l'archéologie des Tarasques, hein, puisque, à la différence du Mexique central, où on a, disons, un certain foisonnement des sources, d'autres régions, et en particulier Michoacán, ne disposent pas d'autant de descriptions. Et puis, il y a bien sûr des sépultures individuelles. Et il ne faudrait pas oublier, au sein de ces sépultures individuelles, des mutilations, des décharnements. Alors oui, il y a quelques rares cas. En réalité, là, on ne parle que de deux individus. Hein, donc, sur près de 140 individus, ça fait relativement peu. D'une part, une inhumation très curieuse. Alors, j'hésite à parler de sépulture parce qu'on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. C'est un cas tout à fait à part. Elle se présente comme une sépulture tout à fait ordinaire. L'individu est placé dans une fosse, dans un contexte tout à fait habituel pour une sépulture normale. Elle est dépourvue de mobilier, ce qui arrive de temps en temps. Mais l'aspect le plus singulier, c'est qu'on se rend compte que le crâne est renversé. C'est-à-dire que le visage, dans les sépultures en position assise, typiquement, on a le crâne qui tombe entre les jambes. Et ce qu'on voit d'abord, c'est la partie postérieure du crâne. Or là, on voyait le visage au départ, ce qui était déjà une anomalie. Et en analysant les ossements, on s'est rendu compte que cet individu avait été décapité. Décapité et qu'elle avait une malformation congénitale. Voilà. Alors c'est le seul individu du site à avoir une fusion de l'atlas qui est... alors il y a des questions sur le fait que cette malformation pouvait entraîner des dommages au niveau neurologique et aurait pu y avoir une relation entre la pathologie et le traitement de cet individu. En tout cas, la décapitation en Mésoamérique, c'est quelque chose d'assez fréquent. C'est quelque chose qu'on connaît bien. Oui, c'est quelque chose qu'on connaît bien, mais surtout dans le contexte sacrificiel. Hein, Lié à la guerre, des représentations. La religion, les cultes liés à la fertilité en particulier, et les cultes guerriers aussi, un équivalent mésoaméricain de la chasse des têtes qui était pratiquée par les Ouastèques en particulier. Justement, vous avez découvert un crâne brûlé, vous avez trouvé aussi des tombes individuelles particulièrement curieuses, comme l'une en position totalement acrobatique. Oui, alors là, on se trouve à la limite de ce qu'on peut dire en archéologie, c'est-à-dire les cas uniques sont toujours très difficiles à interpréter. Et c'est qu'à partir du moment où on a des séries qu'on peut croiser les informations. Alors effectivement, là, vous mentionnez le cas d'une sépulture d'une autre femme, hein, à nouveau, qui a été inhumée sur le ventre, ce qui n'est pas du tout surprenant pour les Ouastèques, c'était une pratique assez courante, mais alors elle est dans une position complètement arquée, comme à l'image de certaines figurines connues d'acrobates qui tiennent les pieds avec leurs mains. Ces sépultures permettent aussi de voir les productions artisanales, les réseaux d'échanges parfois très lointains. Vous évoquez éventuellement le cas de réduction de tête. Est-ce que l'on peut y penser ? Alors, disons que on sait par les quelques sources dont on dispose que les Ouastèques, les guerriers Ouastèques pratiquaient la prise des têtes de leurs victimes, des guerriers qu'ils avaient vaincus, et qu'ils les portaient à la manière de colliers. Donc certains auteurs ont supposé qu'ils auraient pu réduire les têtes. On n'en a malheureusement aucune preuve. On sait par ailleurs qu'ils avaient des colliers faits de petits crânes en coquillage et qui peuvent être des représentations de ces trophées, mais qui ne sont pas des têtes réduites. Aujourd'hui, cette culture, ces groupes humains, en un mot, les Ouastèques, ont-ils réellement disparu ? Ah, pas du tout, puisque c'est un des groupes linguistiques encore tout à fait vivants. Hein. Ce sont les Huastèques n'ont pas disparu avec la conquête espagnole et son cortège de désastres. Et ils continuent à habiter dans les terres chaudes du San Luis Potosí, du Veracruz et du Tamaulipas. Grégory Pereira, merci beaucoup. Mardi prochain à 15h30, le Salon Noir sera consacré aux bâtisseurs de mégalithes en Afrique de l'Ouest avec Augustin Hall, professeur à l'Université de Paris 10. Le Salon Noir a été réalisé par Laetitia Coya, à la technique Tristan Gratalon, attaché d'émission Catherine Denet.